suis étrangère ici, perdue dans le pays bleu, étrangère au paradis. Et je sais qu'en chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il vous sourit. Simple mortel, je m'émerveille. Les yeux remplis d'étoiles et de fraîcheur, comme une enfant qui se réveille, je te retrouve. Alors je n'ai plus peur. Et si tu veux bien de moi, l'étrangère dans ton paradis, alors nous irons, je crois, plus loin que la vie. Thank you.